Oui, bonjour, messieurs, bonjour, messieurs. Voilà une nouvelle émission de Roro.fm, la chaîne des rôlistes des années 70. Et donc, je vais vous parler de Dragon de Poche, quoi. Et encore une fois, oui, je sais, vous en avez plein les arpions. Mais bon, chez Roro.fm, on a quand même l'esprit ouvert, donc on a quand même testé Dragon de Poche, fait que j'ai même fait un personnage, oui, il s'appelle Drive, c'est un ogre chevalier, voilà, et plus 4 ans en force hein, quand même, hein, ça rigole pas. Bon, ben, on l'a joué, ben, figurez-vous que j'ai aimé, oui, je dois vous l'avouer, je crois que je suis en train de devenir une gauchiasse. Bon, ouais, quand même, ce que j'ai pas trop aimé, c'est tout ce qui est world building et puis la narration partagée aussi. Bah, c'est quand même un peu un truc de hippie, hein. Bon, franchement, c'est bon, on n'est pas chez Extinction Rebellion non plus ici, hein. C'est Roro TV, hein, pas Hippie TV. Bon, allez, bah, tout de suite, avant de passer la main, maintenant, on a où, désormais, on a aussi une rubrique jeux électroniques. Donc, aujourd'hui, nous allons tester ensemble une nouveauté toute récemment sortie. Il s'agit de Castlevania. Alors, tout de suite, on essaye. Alors, générique pour notre émission sur les jeux électroniques. Bonjour, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, Roro TV me cède un petit peu la main pour vous parler eh bien, de jeux de rôle et de jeux vidéo. Alors, oui. Alors, il est vrai que même si la plupart des rôlistes sont aussi des vidéoludistes, je ne sais pas si on peut dire le terme, il y a un peu, si tu veux, répandu, on va dire, dans notre milieu, presque une sorte, pas de mépris, mais de condescendance envers le jeu vidéo, dans le mode où c'est un peu un sous-jeu de rôle en matière d'exploration d'imaginaire et de possibilités, et que le jeu vidéo n'arrivera jamais à la hauteur de l'immersion et voilà, et du potentiel immense qu'on peut atteindre en faisant une partie de jeu de rôle. Mais tu nous connais, ici sur Outsider, on a l'esprit ouvert, on essaye des choses, et donc on va se demander ensemble quand même si on pourrait s'inspirer des jeux vidéo pour faire des jeux de rôle. Alors avant, je vais devoir te faire un petit disclaimer parce que je dois préciser que je ne suis pas moi-même un gamer très aguerri. Hein. Honnêtement, je joue juste à des jeux Nintendo. Avec mon gamin, sur la Wii en plus, hein, on n'est pas sur les dernières générations, hein, c'est te dire quoi. Mais bon, je me renseigne un petit peu, donc bon, comme dit le proverbe, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et donc en l'occurrence, j'ai moi aussi un avis sur la question. Sans plus tarder, on va essayer de faire venir petit chat mignon. Voilà, petit chat mignon. Bon, on sait tous et toutes, hein, si tu veux, que le jeu vidéo s'est beaucoup inspiré du jeu de rôle au départ, quoi. Au moins, tu vois, tu sais, les premiers donjons textuels, et puis ainsi de suite. Enfin, tout un Diablo, par exemple, c'est typiquement du jeu de rôle, tous les RPG japonais, enfin, voilà. Mais depuis le temps, bah, le jeu vidéo, il a quand même développé des spécificités, et c'est de ces spécificités dont on peut s'inspirer, en fait. Et qui pourrait nous servir d'outil pour des jeux de rôle. Par exemple, je pense tout bêtement aux platformers. Ça pourrait être intéressant de s'inspirer des platformers pour refaire un petit peu des aventures en jeu de rôle à base de sauts d'obstacles et d'acrobaties, qui d'habitude c'est géré en un simple jet et tout, mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait faire des trucs rigolos avec des courses-poursuites sur les toits, un peu plus mécaniser ça, tu vois, passer plus de temps là-dessus, sur la gestion un peu 3D des événements et tout. pour avoir un peu des scènes comme ça, un peu virevoltantes. Moi, je trouverais ça intéressant. Par ailleurs, il y a aussi les cinématiques platformers. Ce qui est intéressant avec les cinématiques platformers, c'est que tu veux, tu as le platformer au premier plan, mais déjà lui-même, il raconte un peu une histoire. Ce qui se passe au premier plan raconte une histoire, c'est pas juste un jeu, quoi. Et puis, tu as vraiment un arrière-plan derrière qui raconte aussi voilà, une intrigue, une toile de fond qui se développe. Et donc, ça peut être intéressant justement de travailler sur ces notions de premier plan, arrière-plan en jeu de rôle. Je pense qu'on ne travaille pas trop là-dessus et on pourrait, hein. Il y a aussi un truc qui est drôlement développé en jeu de rôle, ça s'appelle la narration environnementale, donc apporter des informations narratives par l'environnement. Et donc ça, on peut le faire aussi, on peut s'en inspirer pour le jeu de rôle, par exemple mettant des panneaux et des affiches sur les murs, en travaillant aussi sur les champs de vision, c'est-à-dire on va passer dans des longs couloirs au champ de vision restreint, et puis tout d'un coup, on débarque en hauteur avec une vue plongeante sur un horizon très large. Voilà, donc le jeu vidéo, c'est bien faire ça, cette alternance de couloirs et d'immensité qui crée un effet waouh. Donc ça, on pourrait s'en inspirer. Et puis tu as un petit peu dans les mondes ouverts, notamment, je pense à Zelda Breath of the Wild, cette notion des plats et des hauteurs qui fait que les points d'intérêt sont situés en hauteur. Et que ça peut être intéressant pour faire du bac à sable en jeu de rôle, cette notion de plat et de hauteur, de relief. Également, ce qui peut être intéressant, ce que fait assez finement le jeu vidéo, c'est de mettre les relations entre PJ et PNJ en chiffres avec des scores de relations, et puis des trucs un peu comme dans les Telltales, du type oh là là, tu as fait telle action, Jérémy s'en souviendra. Et donc, tu vois, tu peux tenir à jour un score d'amitié, d'hostilité, de réputation. Qui existent hein, déjà plus ou moins, par exemple Donjons et Dragons, tu as les cinq attitudes différentes qui vont grosso modo de mémoire de hostile à amical, quoi, des trucs comme ça. Mais ça peut être intéressant de vraiment tenir ça, dans un bac à sable, de tenir ça de façon assez fine, quoi, pour tous les PNJ. Ce qui est intéressant, je reviens au monde ouvert, c'est qu'ils ont en jeu vidéo, ils ont une tendance assez élégante, je trouve, de réconcilier scénario bac à sable et campagne linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, dans ces mondes ouverts, tu as un arc principal qui correspondrait, tu vois, à notre campagne linéaire. Et puis autour, bah, tu as ce monde ouvert, plein de quêtes secondaires. Ça, c'est le bac à sable. Donc en fait, ils ne choisissent pas entre les deux. Ils proposent les deux, arc principal et bac à sable autour. Donc ça, c'est un truc dont on pourrait s'inspirer. Ce qui est très important dans le jeu vidéo, je trouve un peu plus passé vite fait dans le jeu de rôle, mais on, justement on pourrait s'y intéresser, c'est le look des personnages en fait. Donc lors de la création de personnages, tu vas plutôt pas uniquement s'occuper de tout ce qui est aspect statistique, mais gérer voilà comment il est habillé, sa couleur de cheveux, son look, son visage. Apocalypse World le permet un petit peu, mais ça reste très très rapide. Mais je pense qu'on pourrait s'amuser vraiment à passer, eh bien, voilà, 20 minutes, une demi-heure à faire son skin, quitte d'ailleurs à utiliser un générateur de jeux vidéo pour ce faire, hein. Pour les combats, on pourrait s'inspirer du style des combats MMO. Bon, bah, c'est tout à fait l'approche qu'a eu Donjons et Dragons 4, ainsi que, bon, je pense, Anima Beyond Fantasy, hein. C'est pas ma tasse de thé, hein, mais je pense que ça pourrait intéresser du monde. Hein. De toute façon, Donjons & Dragons 4 a eu ses émules. Il y a des jeux aux arborescences de dialogue, des jeux vidéo aux arborescences de dialogue assez fines. Et notamment, c'est des jeux où, malheureusement, je suis désolé, j'ai pas le nom du jeu en tête, mais c'est t'as un nombre de compétences très élevé. Donc c'est très très fin ton arbre de compétences. Et en fait, en fonction de la compétence sociale, notamment que tu utilises pour communiquer, eh bien, les réponses des PNJ vont être très différentes. Donc peut-être que ça, au prix de effectivement un petit peu de mécanisation, on pourrait l'apporter en jeu de rôle, ce fait que tu genres, plutôt que d'avoir 3-4 compétences sociales, comme tu as dans beaucoup de jeux, on pourrait monter jusqu'à 10-15 compétences sociales et avoir vraiment du coup une façon très fine. D'interagir avec les PNJ, ça, je pense que ça pourrait être intéressant, quoi. Et pas extrêmement compliqué non plus d'un point de vue technique. Ce que j'ai vu et que je trouve très intéressant, c'est il y a des tables en fait qui utilisent Foundry. Tu sais, Foundry, c'est un environnement de jeu de rôle comment distanciel, mais tu sais, avec des décors en 3D super bien faits, des éclairages, des trucs de fou. Et en fait, il y en a qui l'utilisent même en présentiel. Donc, ils projettent, en fait, ils vont projeter le lieu de jeu, le terrain de jeu. Et puis, on va aller. Ça, c'est quand même une expérience immersive et intéressante. Après, bon, comme toujours, il ne faut pas y passer trop de temps. Moi, j'avais l'impression qu'ils passaient beaucoup de temps, genre sur un seul bâtiment. Mais bon, allez, je pense qu'il y a un vrai kiff à avoir. Mais c'est un truc que j'aurais envie de tester au moins une fois, quoi. Et puis, j'ai entendu dire aussi, je crois que c'est Maillard Chakiri notamment qui fait ça. Pour du jeu de rôle en ligne, ce truc de spatialiser en fait le son, quoi, c'est-à-dire qu'il va jouer avec ton casque et t'envoyer un son à droite ou à gauche en fonction pendant du son pour créer un aspect immersif. Bon, puis après, il y a évidemment tout ce qui est GN virtuel, le GN qui va utiliser des outils vidéoludiques. Donc, bon, bah évidemment, tu peux faire du RP dans des mémos, quoi. Et ça peut être intéressant d'aller dans les MMO et puis vraiment faire du RP avec nous, ce qu'on sait faire en RP d'habitude, quoi. Et le MMO fait juste l'outil, quoi. Bon, voilà. J'espère t'avoir un petit peu donné des vues. Bon, j'ai cité des choses qui étaient déjà existantes. J'ai essayé de faire un petit peu de prospective également. Tu as sûrement ton avis, hein. Je te rappelle le proverbe que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à le donner en commentaire. Et puis, je te fais des gros bisous. Pense, s'il te plaît, à t'abonner, à mettre la cloche, pourquoi pas à me tipper ou à visiter mon blog. Et je t'envoie de l'amour, quoi que tu fasses ou ne fasses pas. Ciao, bisous.